pour féliciter la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique coréenne, Thiemoko Sangare, président du Parti africain pour la solidarité et la justice du Mali, lui a fait parvenir le Saint-Courant un message de félicitations. Le destinataire a indiqué que sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée à la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême est l'expression de la confiance et de l'attente absolue de tous les Coréens envers lui. Il a souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un et plus grand succès dans l'œuvre du peuple coréen pour la réunification du pays et l'édification d'un État socialiste puissant.